Chapitre 6e, au couvent. Avec une force de volonté véritablement héroïque, Jean avait soutenu le train d'enfer auquel il s'était lancé, quoique l'épaule lui brûlât comme du feu, et que son bras gauche fût entièrement paralysé par la douleur. Mais quand il eut atteint la chaise et voulu descendre de cheval pour rassurer Madame de Coissy et ses filles, absolument terrorisées par les terribles détonations qui avaient suivi leur départ, il fut pris d'une si grande faiblesse qu'il fut obligé, pour ne pas tomber, de se cramponner à la portière du carrosse. Julien, qui avait aussi mis pied à terre, s'en aperçut et le soutint dans ses bras. « Je vous demande pardon, mesdames, mais mon ami Jean a été légèrement blessé. Il ne s'est tenu à cheval pour rejoindre que par un miracle d'équilibre. Je vous demanderai pour lui une place sur la banquette de devant, jusqu'à ce que nous ayons atteint le village le plus proche, où nous nous arrêterons pour panser sa blessure. » Et comme les pauvres femmes frissonnaient de peur, « N'ayez aucune crainte, la vie de notre cher ami n'est pas en danger et nous n'avons plus rien à redouter de nos ennemis. » Valentine, qui occupait avec sa mère le fond du carrosse, céda sur le champ sa place à Jean qui, incapable de s'en défendre autrement que par ses protestations, se laissa hisser lourdement sur le coussin. André ne disait mot. Elle le regardait avec des yeux démesurément agrandis par l'épouvante et avait peine à retenir les larmes qui gonflaient sa paupière. Le comte donna au cocher l'ordre de se remettre en route et de s'arrêter au village voisin, dont on apercevait la silhouette, tranchant comme une découpure d'ombre chinoise sur le ciel assombri, mais que rougissaient encore les dernières lueurs du soleil. Julien se remit en selle, prit en main le cheval de Vif-Argent et escorta la voiture. « Quel guignon !» se disait-il. « Sans cette maudite blessure, nous aurions réglé ce soir même tous nos comptes avec ce damné Barberousse, tandis que maintenant... » Brisé par la fatigue et la souffrance, Jean avait fermé les yeux. Peut-être aurait-il perdu connaissance, si Madame de Coissy n'avait gardé assez de présence d'esprit pour lui faire respirer le même flacon de sel dont elle aspirait tout à l'heure les âcres senteurs. Grâce à ses émanations énergiques et au reste de volonté qui l'animait, Jean ne donna pas aux pauvres femmes le ridicule spectacle de l'évanouissement dont il était menacé. Cependant, il lui fallut s'appuyer vigoureusement sur le bras de Julien pour descendre de voiture et pénétrer dans l'auberge, à la porte de laquelle la chaise de poste venait de s'arrêter. En toute hâte, on fit appeler le barbier du pays qui, dans presque tous les villages à cette époque, cumulait avec son métier celui de chirurgien. Quand il arriva, Julien avait assis Jean dans un fauteuil, avait débouclé sa cuirasse de buffle, enlevé son pourpoint, sa chemise et lavé sa blessure avec de l'eau fraîche. Pas une goutte de sang n'avait coulé, mais il avait si fort afflué vers l'épaule qu'elle en était très enflée et toute noire. Par un phénomène bizarre, mais assez fréquent dans les blessures d'armes à feu, la balle, après avoir troué net la cuirasse de buffle, l'habit et la chemise, s'était arrêtée sur la clavicule sans entamer les chairs, ne laissant absolument d'autres traces sur l'épiderme qu'une tache rouge, sanguinolente et tuméfiée. Il ne s'agissait donc que d'une contusion violente mais sans gravité, puisque très probablement la clavicule n'était pas cassée. Le barbier examina la plaie, palpa l'épaule dans tous les sens, et confirma ce qu'avait pensé le jeune officier. La blessure ne présentait aucun danger. Avec beaucoup de dextérité, il improvisa des ventouses avec les verres que lui fournit l'aubergiste, les enleva ensuite, et le pansement terminé, étendit sur la plaie un baume dont la fraîcheur salutaire amena un soulagement immédiat dans l'état du blessé. Jean se leva pour ajuster ses habits. Au même instant, un bruit sourd retentit sur le plancher. La balle qu'il avait atteint venait de tomber à terre. Entre la chemise et la peau, elle avait glissé jusqu'à la ceinture. En se levant, Jean l'avait fait rouler à ses pieds. Le barbier la ramassa et la lui tendit. En riant, Vif-Argent la mit dans sa poche. « Décidément, les balles ne veulent pas de moi, » dit-il au chirurgien en lui montrant son oreille, éraflé déjà la veille dans des circonstances à peu près identiques. « En effet, monseigneur, » fit le barbier, « voilà deux fois que vous l'échappez belle. » Jean lui mit un louis dans la main et le congédia, puis alla rejoindre ces dames à qui Julien venait de raconter toutes les péripéties du combat. « Oui, » disait Madame de Coissy, sans s'apercevoir que Vif-Argent venait d'entrer, « l'expédient de M. Michaud a réussi au-delà de ses désirs. C'est fort bien, mais il n'en est pas moins vrai qu'à cause de nous, à deux reprises, il a failli se faire tuer. Il n'en est pas moins vrai que plusieurs hommes sont morts, que d'autres ont été blessés. Eh bien, si peu qu'il vaille, je ne veux pas être plus longtemps la complice de semblable carnage. À l'instant même, je vais retourner à Paris. Dès demain, j'irai trouver Philippe d'Orléans et je lui dirai « Ce sera comme il vous plaira, madame », interrompit Jean. « Mais avant de vous adresser au régent, et avant qu'il vous ait rendu justice, ne craignez-vous pas que Barberousse tente contre vous un effort suprême ? C'est le dernier des misérables, assurément. Mais précisément parce qu'il ne vit que de cet ignoble métier, il a tout intérêt, pour gagner sa place, à satisfaire les caprices de celui qu'il emploie. Pour atteindre ce résultat, vous l'avez bien vu, il est homme à ne reculer devant rien, et peut-être même pas devant un ordre du régent. » Au son de cette voix, la baronne, qui n'avait pas vu entrer Vif-Argent, s'était retournée, toute saisie, comme s'il s'était trouvé en présence d'un ressuscité. « Ce que vous me dites, monsieur, je l'ai pensé, » répondit-elle. « Oui, ce coquin est capable de tout, j'en suis certaine. Mais je ne veux pas faire supporter plus longtemps le fardeau de mes infortunes à ceux qui, comme vous, n'ont aucune raison de se dévouer pour moi, alors surtout qu'il va de leur vie et de leur liberté. « Je vous comprends, madame, » dit Jean avec un peu d'amertume, « mais sans vouloir vous faire contracter envers moi des obligations trop onéreuses, je désirerais, en attendant que vous puissiez rentrer à Paris, vous voir accepter un asile qui vous mette à l'abri des entreprises de cet odieux Barberousse. C'est dans ce but que j'avais pensé, et que je pense encore, à vous mener au couvent de Chelles. Je vous en remercie, monsieur, mais cela ne ferait qu'éterniser la lutte, » fit observer madame de Coissy. « Momentanément, peut-être, avez-vous raison, madame, » accorda Jean. « Mais vous serez au couvent sous la protection de l'abbesse, qui saura, je vous en réponds, faire respecter son droit d'asile. »« Ah, » reprit-il, « s'il s'agissait d'une abbesse ordinaire, désireuse de se ménager la bienveillance du Premier ministre, peut-être auriez-vous sujet de trembler encore. Mais songez qu'il s'agit de Louise Adélaïde d'Orléans, la propre fille du régent, qui se soucie autant de Dubois que d'une croquignole, qui même ne sera pas fâchée de lui faire pièce et de lui résister ouvertement, car elle ne peut pardonner à ce démon d'avoir entraîné son père à des désordres dont le bruit est sûrement venu jusqu'à vous. De même, poursuivit-il, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du caractère de la princesse. Ce n'est pas une femme vulgaire, prête à s'évanouir au moment du danger. C'est une âme vigoureusement trempée, à qui le mouvement et la vie sont indispensables, qui saura vous protéger, vous défendre même, s'il est nécessaire, et qui ne fera jamais ployer son orgueil de princesse du sang aux caprices de ce Dubois, qu'elle méprise encore plus qu'elle ne le est. « Soit, monsieur, » accepta la baronne, « je veux vous prouver ma reconnaissance en acceptant de vous ce dernier service. Allons à Chelles. Mais je vous en préviens, si la princesse fait la moindre difficulté pour nous donner asile, j'entends, cette nuit même, rentrer à Paris, car je ne veux vous exposer, ni vous ni Julien, à des dangers dont le dénouement infaillible sera la mort ou la captivité. « Alors partons à l'instant, » proposa Jean. Valentine et André se levèrent aussitôt, sans cacher la joie que l'insistance de Vif-Argent leur avait causée. Jean offrit son bras à madame de Coissy et l'entraîna. « Mais votre blessure, monsieur, » fit-elle avec un reste d'hésitation, « ne présente aucun danger, madame, rassurez-vous, c'est une simple contusion qu'un premier pansement a presque fait disparaître. Comptez-vous donc vous remettre en selle ? Oui, madame. S'il plaît à Dieu, d'ailleurs, nous serons à Chelles avant 1 heure. C'est, vous le voyez, un trajet qui n'est rien de bien effrayant. » À ces mots, il la fit monter en voiture. Derrière lui venait Julien, donnant le bras aux deux jeunes filles. Dès qu'elles eurent pris place à leur tour, nos deux amis s'enlevèrent sur l'étrier et vinrent se placer à la portière de la chaise, le comte à droite, du côté de sa fiancée, Jean à gauche, du côté de la baronne. Seulement, il avait en face de lui André, assis sur la banquette de devant, et qu'il dévorait des yeux sans que madame de Coissy pût s'en apercevoir. En effet, il ne faisait pas nuit encore. 8 heures venaient de sonner à l'église du village. Bien que le crépuscule accusât plus vigoureusement les ombres au milieu desquelles se noyait la plaine, bien que le soleil eût depuis un instant disparu, le ciel se colorait encore de lueurs assez vives pour permettre de distinguer nettement les objets. André, de son côté, ne pouvait s'empêcher de jeter sur Vif-Argent ses regards pensifs. Elle admirait son élégance, sa souplesse, la grâce avec laquelle il maniait sa monture, le courage avec lequel il supportait les souffrances qu'il devait endurer, l'ingéniosité et la décision avec lesquelles il avait déjoué les embuscades qu'on lui avait tendues. sans se rendre compte de ce qu'elle ressentait, elle se laissait aller à ses douces rêveries et n'était pas loin de considérer comme un héros ce hardi jeune homme qui, par pure amitié pour le comte, croyait-elle, avait sous ses yeux bravé deux fois la mort en 24 heures. Que fallait-il donc pour faire un gentilhomme si celui-là ne l'était pas? Que lui manquait-il? La naissance? Sans doute, mais un vilain tel que lui, ne valait-il pas mieux dans son petit doigt que la foule des jeunes seigneurs sous laquelle les regards indifférents de la jeune fille s'étaient promenés si souvent? Ainsi pensait André, sans soupçonner le moins du monde que cette admiration touchait de bien près à l'amour, ni que son cœur naïf se fût inconsciemment donné à celui qui, déjà, le remplissait tout entier. Pendant ce temps, la chaise de poste avançait toujours. La nuit tombait, de plus en plus épaisse, si bien que ce fut au milieu de l'obscurité la plus complète qu'on s'arrêta devant la porte du couvent. Jean descendit de cheval et sonna. La sœur Tourière accourut et ouvrit le guichet de la porte d'entrée. « Veuillez annoncer à Madame la supérieure, lui dit Jean, que 5 voyageurs, dont 3 dames, la prient de leur accorder l'hospitalité. » La sœur s'éloigna vivement. On entendait crier sous ses pas le sable des allées. Au bout de quelques instants, elle revint, fit sonner son trousseau de clés, grincer 2 formidables serrures, écarta d'énormes verrous, souleva 2 barres de fer et ouvrit la porte massive par laquelle se précipitèrent la chaise et les cavaliers. Tandis qu'aidé par un valet du couvent, le cocher conduisait les chevaux à l'écurie, on introduisait les voyageurs dans le parloir où la sœur hospitalière les attendait. « Notre abbesse, leur dit-elle, après les avoir fait asseoir, m'a prié de vous demander à qui elle avait l'honneur de donner l'hospitalité. « Rien n'est plus naturel, répondit Vif-Argent. Voici la baronne de Coissy et ses 2 filles, accompagnées du comte de Montbazin et de Jean Michaud. » En disant ces mots, il désignait du geste chacun de ceux dont il prononçait le nom. La sœur salua respectueusement. « Avez-vous faim? Avez-vous soif? Désirez-vous que je vous conduise au réfectoire ? » interrogea-t-elle. « Merci, ma sœur, répondit la baronne. Il n'y a guère plus de 2 heures que nous sommes sortis de table. « Alors veuillez patienter un instant, je vais faire préparer vos chambres et prévenir madame la supérieure. » Elle s'inclina et sortit. Quelques instants après, elle revint. Madame la supérieure désirait parler à monsieur Jean Michaud. Il se leva. « Je suis à vos ordres, ma sœur, répondit-il. » Elle l'engagea du geste à le suivre et elle le fit pénétrer dans une sorte d'oratoire, fort élégamment tendu de lampes à rouge magnifiques à grand ramage, et dans lequel les objets profanes coudoyaient les objets sacrés avec la plus étrange impertinence. À côté d'un superbe prie-dieu, surmonté d'un Christ en ivoire de l'école italienne, était pendue une guitare. Entre les images de Sainte-Cécile et d'Élisabeth de Hongrie, était accrochée une paire de fleurets. Au-dessus d'une paire de pistolets damasquinés et montés en argent finement ciselé. Sur la table, un vieux missel ouvert, aux enlumineux restompés par le temps, était à demi caché par des cahiers de musique et la partition du dernier opéra paru. Ce singulier oratoire était vide. D'un coup d'œil, Jean avait fait l'inventaire des objets disparates qui avaient attiré ses regards et n'avait pu réprimer un sourire. C'est que ce mélange bizarre de choses si étonnées de se trouver ensemble donnait bien exactement la note du caractère de la princesse, telle qu'il l'avait connue dans l'intimité de la cour, où ses fonctions de page lui donnaient, pour ainsi dire, accès à toute heure. Sans vouloir faire ici une étude psychologique des filles du régent, il est bien permis de dire qu'elles subirent la néfaste influence du million corrompu au milieu duquel elles vivaient, de même que, sans insister sur les scandales dont les chroniques du temps leur ont fait des tristes honneurs, on peut affirmer qu'elles n'ont pas donné l'exemple de toutes les vertus. Louise Adélaïde d'Orléans avait eu ses faiblesses comme ses sœurs, quand, prise de dégoût, disent les uns, de dépit, affirment les autres, et sur ce point délicat nous nous garderons bien d'insister, elle prit le parti d'entrer en religion. Seulement, elle eut soin de choisir un couvent dont elle put promptement devenir abbesse, et ce fut à Chelles qu'elle s'enferma. Il serait plus juste de dire qu'elle s'y réfugia, car au bout de quelque temps la monotonie du cloître lui devint insupportable. Après avoir installé un tir au pistolet et s'y être exercé pendant des journées entières à la grande frayeur des nonnes, que ses détonations épouvantaient, elle organisa une salle d'armes et se mit à manier le fleuret avec une ardeur toute masculine. Bientôt, ses exercices violents ne lui suffisant plus, elle fit venir des chanteurs, des musiciens, donna des concerts, fit représenter des fragments d'opéra, si bien que le régent, ayant ouï parler de ses étonnantes promiscuités, dont les méchantes langues se plurent à aggraver les conséquences, crut devoir faire des remontrances à sa fille. Louise Adélaïde promit d'y mettre bon ordre, mais ne tint aucun compte de ses observations et continua de vivre à sa guise. Tout cela, Jean le savait, et bien d'autres choses encore. Aussi ne fut-il aucunement dépaysé quand parut la princesse plus belle encore qu'il ne l'avait connue 5 ans plus tôt. « Comment, c'est vous, mon petit vif-argent ? » s'écria-t-elle en l'apercevant. Cette exclamation ne surprendra personne quand on saura que la princesse, écoutant un chanteur nommé Cochereau, s'était écrit à haute voix en plein opéra. « Ah, que c'est bien, mon cher Cochereau !» D'ailleurs, les mauvaises langues affirmaient aussi que parmi tous les pages de sa majesté, la princesse avait manifesté hautement les préférences qu'elle accordait à Jean. Elle ne l'appelait jamais autrement que Vif-Argent, pour ne pas prononcer sans doute ce vilain nom de Jean Michaud, et avait largement contribué pour sa part à répandre le surnom que les camarades du jeune page lui avaient donné. « Asseyez-vous donc, » continua-t-elle en lui montrant un fauteuil. Et comme il se tenait respectueusement debout, malgré cette invitation, elle lui appuya doucement la main sur l'épaule gauche pour le forcer à s'asseoir. Si légèrement qu'elle l'eût effleuré, il ne put réprimer un cri de douleur. « Qu'avez-vous donc ? Vous êtes blessé ? » demanda-t-elle. « En effet, vous n'êtes pas allé défait. Que vois-je ? Votre pourpoint est troué, là, à l'épaule ? Qu'est-il donc arrivé ?» Et cette fois, avec la tendre sollicitude dont une femme seule est capable, elle le contraignit à prendre le fauteuil qu'elle lui désignait. Jean lui raconta dans ses menus détails l'odyssée dont il était le héros depuis quelques jours. « Et tout cela pour obliger le comte de Montbazin ? » fit-elle avec incrédulité. « Oui, madame. Rien que pour cela, je vous l'assure. » « Et la seconde fille de la baronne n'est pour rien dans cette affaire, » reprit-elle. « Elle ne vous aime pas, vous ne l'aimez pas. » Elle le regardait si bien en face qu'il rougit et se détourna. « Non, madame, vous vous trompez, » balbutia-t-il. « C'est vous qui me trompez, Vif-Argent, » répliqua-t-elle. « Et pourquoi ? Vous est-il donc défendu d'aimer une jeune fille à votre âge, car elle est jolie, n'est-ce pas ?»« Oh, ravissante !» s'écria-t-il avec feu. « Vous voyez bien, vous venez de vous trahir, » fit-elle en riant aux éclats. « Allons, soyez franc jusqu'au bout, vous l'aimez, vous avez besoin de moi. » « C'est vrai, madame, vous pouvez nous être très utile. »« Eh bien, parlez, de quoi s'agit-il ? » Tout simplement de donner asile à madame de Coissy, à Valentine, à André, de les défendre s'il est nécessaire contre les audaces de Dubois, jusqu'à ce que le comte de Montbazin ait exposé au régent les faits que je vous ai racontés et obtenu de lui la promesse que sa fiancée peut rentrer à Paris sans danger. Qu'à cela ne tienne, mon ami. Vous pouvez être assuré que je me ferai un véritable plaisir de tailler des croupirs à ce faquin de Dubois, dit la princesse. Quant au comte et à vous, soyez tranquille. Moi-même j'irai à Paris s'il le faut pour exposer à mon frère cette vilaine affaire. Il est trop juste et trop bon gentilhomme pour ne pas vous donner raison. » À ces mots, détournant brusquement la conversation, « Maintenant, occupons-nous de vous. Il y a 2 heures à peine que vous avez été blessé, m'avez-vous dit. Vous a-t-on pensé ?»« Oui, madame. » « Qui ?»« Le barbier du village dans lequel nous nous sommes arrêtés. » Elle haussa les épaules avec pitié et frappa sur un timbre. Une sœur converse accourut. « Dites à la sœur infirmière de venir et d'apporter tout ce qu'il faut pour panser une blessure d'arme à feu. » Vainement, Jean essaya de s'en défendre et affirma qu'il ne souffrait presque plus. Lorsque parut l'infirmière, la princesse en personne écarta les habits du blessé et ne fut pas maîtresse d'un cri d'effroi en voyant dans quel état pitoyable se trouvait l'épaule du patient. La fatigue de la route avait irrité les chairs qu'un sang noir avait envahi. Bon gré, mal gré, il fallut que Jean subît toute une série de nouveaux soins, beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués que ceux qu'il avait reçus. Il en éprouva du reste un bien-être inexprimable et se confondit en remerciements. « Bien, bien, » lui dit la princesse. « Vous allez vous reposer. Vous en avez grand besoin, mon pauvre ami. Dormez bien et à demain matin. » Puis, se reprenant aussitôt, « Ah ! J'oubliais de vous dire que cette partie du jardin m'est exclusivement réservée. S'il vous plaît d'y prendre l'air après votre lever, je la mets à votre disposition. » À ces mots, Elle le congédia d'un geste bienveillant et le fit conduire à la chambre qui lui était destinée. Depuis une grande demi-heure, Julien l'y attendait, très étonné de cette longue absence, quoiqu'il sût parfaitement en quels excellents termes était autrefois vif Argent avec la princesse. Jean lui raconta de quels soins il avait été l'objet, avec quelle vivacité l'abbesse avait pris parti pour madame de Coissy, s'était engagé à veiller sur elle et à plaider sa cause auprès de Philippe d'Orléans. « Décidément, dit le jeune comte, tu es notre sauveur, mon ami, et je ne sais vraiment de quelle façon te prouver la reconnaissance dont je suis pénétré. »« Oh, il y aura un moyen bien simple, » laissa échapper Jean. « Lequel ? Parle, et ne doute pas que je mette à l'employé l'amitié toute fraternelle que j'ai pour toi. » « Je te le dirai plus tard, » se ravisa Jean, « car pour le moment je tombe de fatigue. À demain, et bonne nuit. » En effet, il ne se tenait debout qu'à grand-peine. Le jeune officier s'en aperçut et n'osa pas insister. Il lui serra la main et sortira. Jean se mit au lit, meurtri, accablé, presque défaillant. Il avait été sur le point d'avouer à Julien la passion qu'il ressentait, de le prier d'être son interprète auprès d'André. Mais il avait de lui-même une telle défiance, nous l'avons dit, qu'il recula devant cet aveu, et pourtant, c'est à elle qu'il pensait encore lorsqu'il s'endormit d'un lourd sommeil. Il se réveilla vers 6 heures et se leva en toute hâte, tout surpris d'avoir reposé si longtemps et de se sentir aussi dispos. Il fit rapidement sa toilette et descendit au jardin après avoir recommandé à la sœur hospitalière de le prévenir dès que madame la supérieure pourrait le recevoir. Il sentait en effet que sa présence et celle du comte au couvent ne pouvaient se prolonger à l'infini, et il ne voulait pas s'éloigner sans avoir pris congé de la princesse. Il errait, silencieux, dans les allées, quand il se croisa tout à coup avec Valentine et André, qu'accompagnait Julien. Étonné de ne pas apercevoir madame de Coissy, Jean s'informa d'elle. La baronne n'était pas malade, mais les émotions qu'elle avait éprouvées ne lui avaient pas permis de se lever si tôt. Elle avait autorisé ses filles à descendre au jardin sous la surveillance de Julien. Celui-ci, qui ne demandait qu'à rester en tête-à-tête avec Valentine, prit les devants avec elle, laissant à son ami Jean le soin de s'occuper d'André. Quand elle s'en aperçut, Julien et Valentine étaient déjà à 20 pas d'elle. Elle jeta sur Jean un regard effaré et fit un mouvement pour aller rejoindre sa sœur. « Je vous fais donc bien peur, mademoiselle, » dit-il en l'arrêtant d'un geste suppliant. « Non, monsieur, » répondit-elle en baissant les yeux. « Mais je m'attendais si peu. »« Oh, ne vous en défendez pas, mademoiselle, » reprit-il avec un sourire navré. « Je vois bien que ma présence vous est importune, puisque vous aviez si grande hâte de me quitter. » « Mais vous vous trompez, monsieur, » protesta-t-elle avec énergie. « Bien que je n'ai pas l'honneur de vous connaître depuis très longtemps, j'ai contracté envers vous de telles obligations que je serais la dernière des ingrates si je ne vous en gardais pas une reconnaissance infinie. » « Alors, si ce n'est pas ma personne qui vous effraie, c'est donc l'humilité de ma naissance ?» demanda Jean avec tristesse. « Il faudrait m'estimer bien peu, monsieur, pour croire qu'un si vulgaire préjugé fût capable d'atténuer les sentiments de sincère gratitude dont je suis animé, » répondit fièrement André. « Qui que vous soyez, monsieur, je n'oublierai jamais, je vous le jure, que nous vous devons notre salut, ni que vous avez par 2 fois risqué votre vie pour nous sauver. » « Merci, mademoiselle, » fit Jean, visiblement touché par le ton de franchise sur lequel ces paroles étaient prononcées. « J'avais besoin de vous entendre parler ainsi, pour ne pas conserver un souvenir trop amer des quelques jours que nous avons passés ensemble. » « Je ne vous comprends pas, monsieur. Vous allez donc nous quitter ?» interrogea la jeune fille, subitement alarmée. « Oui, mademoiselle. Vous sentez bien que notre séjour au couvent ne saurait se prolonger. Mais j'emporterai du moins la consolation de vous y laisser à l'abri de tout danger. Si pourtant, à cause de nous, du concours que vous nous avez prêté, d'autres dangers vous menaçaient encore, je serais trop heureux de les braver, mademoiselle, si je savais que votre pensée m'accompagne, » répondit Jean. « Mais n'en doutez pas, monsieur, » s'écria-t-elle naïvement. Puis, confuse de l'élan auquel elle avait cédé, les joues couvertes d'une pudique rougeur, « Soyez assurés que ma mère et ma sœur Valentine ne sont pas femmes non plus à oublier ce que vous avez fait pour elles. Alors, mademoiselle, je suis trop heureux de les avoir obligées, mais je suis encore plus largement payé d'un si mince service quand j'entends tomber de vos jolies lèvres des paroles si bienveillantes, car je ne saurais vous le cacher plus longtemps. C'est à votre estime que je tiens le plus au monde. » « Comment cela ? » fit-elle étonnée. « C'est que depuis le jour où, pour la première fois, j'ai eu la joie de vous rencontrer à Versailles, vous êtes devenu, sans vous en douter, l'objet constant de toutes mes pensées. Tandis que cette rencontre banale s'effaçait de votre mémoire, elle se représentait à mon esprit avec une persistance et une vivacité que je cherchais vainement à combattre. Je vous revoyais toujours tremblante, effrayée par l'orage, blottissant dans les bras de votre mère votre jolie tête blonde et votre frais visage, promenant autour de vous vos grands yeux éperdus, comme pour implorer une protection plus efficace contre la tempête. « Mais, monsieur, » balbutia André, profondément troublé, « de grâce, laissez-moi parler et ne m'accablez pas de votre colère, mademoiselle, » supplia-t-il. « De tels moments sont trop rares, et je garde depuis trop longtemps non encore le secret qui m'étouffe pour que vous ne me preniez pas en pitié. J'ai tout fait, j'en prends le ciel à témoin, pour bannir de ma pensée votre douce image. Mais j'avais beau me dire que j'étais indigne de vous, que je ne pouvais pas prétendre à votre amour, il m'était impossible de chasser cette adorable vision. Je vous en prends à témoin aussi, André. Je n'ai cependant rien tenté pour me rapprocher de vous. Je savais vers quelles horribles tortures et quelles cruelles déceptions me conduisait cette insurmontable passion. Un découragement affreux s'était emparé de moi. Je marchais dans la vie comme un corps sans âme, désespérant de me dompter jamais, condamné d'avance à l'isolement, à la mort, lorsqu'enfin le hasard nous remit en présence. Quoi ? Vous, que j'adorais en silence depuis de si longs mois, vous étiez la fille de madame de Coissy ? Quoi ? Si j'avais consenti à me laisser présenter chez votre mère par Julien, c'est en face de vous que je me serais trouvé, de vous que je fuyais, dont ma loyauté ne cherchait qu'à s'éloigner. Mais Dieu le voulait donc. Quand Julien me prenait la main pour me conduire auprès de vous, il n'était donc que l'instrument de la Providence. Comprenez-vous alors les regrets qui m'ont assailli, la joie céleste avec laquelle je me suis prêté à tous les désirs du comte ? Oui, il me semblait dans ces miraculeuses coïncidences qu'il y avait une sorte de prédestination, que je pouvais espérer encore, qu'il me serait permis de vous aimer, de vous le dire, et que ma vie ne se consumerait plus dans des regrets éternels. Ah, si c'est un crime, ne me le dites pas, André. Ne brisez pas à jamais ce cœur qui s'est donné à vous si complètement qu'il ne s'appartient plus, qu'il est votre bien, votre chose, qu'il ne bat que pour vous aimer et pour mériter de vous obtenir. Ne me retirez pas cette main que je presse dans la mienne, dont le divin contact me rend l'espérance et la vie. » En disant ces mots, il avait saisi la main d'André, sans que la pauvre enfant, toute surprise, tout émue, et probablement toute heureuse d'entendre pour la première fois de pareils aveux, essaya de se dérober à cette étreinte passionnée. « Et quoi ? » continua vif Argent, devant qui s'ouvraient les portes du ciel. « Vous ne me foudroyez pas de votre colère ? Vous ne repoussez donc pas cet amour ardent que je vous ai voué ? » ?»« Je vous en prie, » murmura André, délicieusement oppressé. « À votre tour, ayez pitié de moi. » « Ah, soyez sans crainte, André. Je vous respecte trop pour vous arracher un aveu qui révolte votre pudeur. Votre silence et votre rougeur ont tout autant d'éloquence à mes yeux. Je vous aime, André. Je vous adore. Ah, vienne la mort à présent, si elle veut. Je suis heureux, enfin. J'aime et je suis aimé. » En même temps, il déposa sous les doigts fuselés de cette main mignonne un baiser dévorant. André tressaillit. Un frisson la parcourut de la tête aux pieds. « Je vous en conjure, » murmura-t-elle, « si l'on vous entendait, si l'on nous voyait. » Elle retira vivement sa main. Julien et Valentine revenaient sur leurs pas, si émus, si troublés eux-mêmes, qu'ils ne remarquèrent ni la contenance embarrassée d'André, ni l'expression rayonnante dont brillaient les regards de Vif-Argent. À peine eut-elle le temps de poser un doigt sur ses lèvres pour les recommander de se taire. « À vous, chère âme, et pour toujours !» lui dit Jean d'une voix que le bonheur étranglait. Au moment même où le comte et Valentine venaient de les rejoindre, un grand bruit de chevaux se fit entendre par-delà les murs élevés du couvent. Que signifiait ce bruit ? Était-ce déjà un nouveau danger qui les menaçait ? Ils écoutèrent. Les chevaux s'étaient arrêtés. On n'entendait plus que leur piétinement, mêlé à un cliquetis de sabre et à un murmure confus de voix. Un instant après, on sonnait à la porte du couvent. Ah, murmura Biff-Argent attristé, j'étais trop heureux. Cela ne pouvait pas durer. Valentine et André étaient toutes pâles. Le jeune comte essayait de sourire pour les rassurer, mais comme Jean, il pressentait un péril plus grand encore que ceux auxquels ils avaient échappé. En effet, pour quel motif, à pareille heure, une troupe de cavaliers pouvait-elle s'arrêter à la porte du couvent? Quand le régent venait voir sa fille, ce qui était rare, il ne se faisait jamais suivre d'une escorte, et surtout, ce n'était pas à 7 heures du matin qu'il se présentait. Donc c'était Barberousse qui, sachant que Madame de Coissy s'était réfugiée à Chelles, avait, par un inexplicable tour de force, rassemblé une nouvelle troupe pendant la nuit pour y surprendre la baronne à la première heure. Telle était bien la conviction de Biff-Argent. Il voulut en avoir le cœur net. « Je vais voir ce dont il s'agit, » dit-il résolument. « Pas d'imprudence inutile, je vous en prie, monsieur, » supplia André. Il la rassura du geste et se dirigea vers le couvent. Il n'en était plus éloigné que d'une 50aine de pas, quand la sœur hospitalière vint lui annoncer que la supérieure l'attendait dans son oratoire. Elle l'y conduisit. Jean y trouva Madame de Coissy qui, ne pouvant plus dormir, avait pris le parti de se lever et avait voulu tout d'abord remercier l'abbesse de l'hospitalité qu'elle avait reçue. La princesse l'avait fort bien accueillie. « Je sais, madame, quel motif vous ont amené ici, » lui avait-elle dit. « Si je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement, je me suis trouvée en présence de feu votre mari, le colonel de Coissy, et je n'ignore pas qu'il était aussi bon gentilhomme que vaillant soldat. À ce double titre, madame, vous avez droit à ma bienveillance. Ne craignez donc pas d'user et d'abuser de cette hospitalité jusqu'à ce que vous puissiez sans inconvénient rentrer à Paris. » La baronne se confondait en nouveaux remerciements lorsque Biff-Argent parut et s'inclina respectueusement devant les deux femmes. « Eh bien, lui dit gaiement la princesse, avez-vous bien dormi dans le petit lit de novice qu'on vous a donné ?»« Très bien, madame, je vous remercie. Et votre blessure, comment va-t-elle »« Aussi bien que possible, madame, vous êtes 1000 fois trop bonne. » »« Mais pardon, s'interrompit-il, je vous trouve là, devisant tranquillement toutes les deux. Vous ignorez donc ce qui se passe ?»« Eh mon Dieu, que se passe-t-il donc ?» demanda l'abbesse en riant. « Vous avez en effet une mine de l'autre monde. » Jean lui fit part de ce qu'il venait d'entendre et des craintes qu'il avait conçues. « Vous êtes fou !» dit la princesse avec incrédulité. « Non, madame, je vous l'affirme. » Mesdemoiselles de Coissy et le comte, en compagnie de qui j'étais dans le jardin, l'ont entendu comme moi. À ces mots, et comme il voyait passer sous la fenêtre ceux dont il invoquait le témoignage, il frappa contre le carreau et les appela du geste. Ils accoururent, et sollicités par lui, confirmèrent les assertions de Biff-Argent. La princesse ne voulait pas y croire lorsqu'on frappa à la porte de l'oratoire. « Entrez, » dit-elle. La sœur hospitalière s'avança. « Deux hommes, dont un officier de sa majesté, » fit-elle, « demandent la faveur d'une audience à madame la supérieure. » À la seule idée qu'on tentait de lui faire violence, le sang de la princesse se révolta. Son visage prit aussitôt une expression de virilité qui, d'ailleurs, était le véritable reflet de son caractère, tandis qu'un sourire d'orgueil et de défi errait sur ses lèvres. Alors, ouvrant la porte de son oratoire qui communiquait avec la pièce où d'ordinaire elle prenait ses repas, « Vous, messieurs, » dit-elle à Julien et à Jean, « entrez là et gardez-vous bien de vous montrer avant que je vous appelle. » Puis, quand ils eurent disparu derrière la porte, qu'à dessein elle laissa entr'ouverte, « Vous, mesdames, » reprit-elle, en s'adressant à la baronne et à ses filles, « demeurez auprès de moi. » »« Et haut la tête, si nous avons réellement affaire à ce drôle de Dubois. » Alors, d'un geste hautain, se tournant vers la sœur hospitalière qui attendait une réponse, « Faites entrer ces hommes, » ordonna-t-elle. Une demi-minute s'écoula, longue d'une poignante anxiété pour la pauvre mère et ses enfants. Quant à la princesse, elle n'avait rien perdu de son attitude fière et dédaigneuse. Les deux hommes parurent. C'était bien Barberousse accompagné d'un officier du roi. « Madame, dit-il en se découvrant, je viens en vertu de l'ordre que voici. » Déjà il dépliait le papier qu'il tenait à la main quand la princesse l'arrêta d'un geste impérieux. « Qui êtes-vous, d'abord ? » interrogea-t-elle. « Je me nomme Barberousse et suis attaché au service de son éminence le cardinal Dubois, » répondit l'aventurier. Quant à monsieur, ainsi que vous pouvez vous en convaincre par son uniforme, il est capitaine aux gardes de sa majesté. » L'abbesse répondit gracieusement au profond salut que lui adressait l'officier, mais toisa Barberousse avec une impertinence qui lui fit monter le rouge de la honte au front. « Bien, » dit-elle froidement. « Maintenant, comme voulez-vous ?»« Nous venons, madame, exécuter l'ordre dont nous sommes porteurs et qui nous enjoint d'arrêter partout où nous le rencontrerons le sieur Jean Michaud, dit Vif-Argent, et les personnes qui l'accompagneront. » Il tendit à la princesse, qui jeta les yeux, le papier qu'il avait déplié. « Monsieur, » dit-elle en lui rendant, « cet ordre n'a pour moi aucune valeur. Je ne saurais y obéir dans aucun cas. »« Comment, madame, n'est-il pas signé du Premier ministre ?»« Je l'ai vu, mais il n'est pas contresigné par le régent, qui est, avant Dubois, le véritable maître en France, et le seul devant l'autorité duquel je serais prête à m'incliner. Mais cette autorité même, monsieur, en la circonstance qui vous amène, ne prévaut pas contre celle dont je suis revêtu en ma qualité d'abbesse. « Permettez-moi de vous faire observer, madame, » répliqua Barberousse, « que non seulement le cardinal Dubois est Premier ministre, mais encore qu'il est un des plus hauts dignitaires de l'Église et qu'à ce double titre il a le droit, même dans un couvent, d'exercer les prérogatives que vous lui contestez. C'est que je ne lui reconnais moi aucune de ces prérogatives, » fit dédaigneusement la princesse. « Cependant, si vous n'en avez vraiment qu'au comte de Bazin et à son ami Jean Michaud, je consens à vous déclarer qu'ils ont déjà quitté le couvent. » « C'est ce dont nous allons nous assurer, » dit Barberousse. « Oh, nous n'en sommes pas encore là, » dit la princesse sur un ton d'écrasante pitié. « Quant aux dames de Coissy que voici, elles sont dans mon couvent sous la protection du droit d'asile que ces chartes l'ont octroyé. Ce droit, je saurais le faire respecter, contre le triste maître dont vous êtes le plat balai, et contre mon père lui-même. » Sous l'injure, l'aventurier frémit de rage, mais l'officier ne sourcilla pas. Évidemment, à la tournure que prenaient les choses, il ne se souciait pas d'exécuter la mission pour laquelle il avait été requis. « Et si cette déclaration ne vous suffit pas, monsieur, » ajouta la princesse, en saisissant la paire de pistolets qui était pendue à la muraille, « je vous jure sous l'honneur que je ferai sauter la cervelle au premier qui tentera de pénétrer ici contre mon gré. » Involontairement, Barberousse recula de quelques pas. « Vous pouvez aller porter ma réponse à qui bon vous semblera, » poursuivit la princesse. « Mais malheur à vous, misérable, si vous osez lever la main sur une fille de la maison d'Orléans !» À ces mots, d'un geste souverain, montrant du doigt la porte à l'aventurier, « Sortez » ordonna-t-elle. Alors, s'adressant à l'officier, toujours immobile et respectueux, « Quant à vous, capitaine, je vous demande pardon de vous avoir fait assister à ce triste conflit. Car si vous pouviez soupçonner de quelle honteuse passion ce laquais vous rendait complice, vous ne seriez certainement pas là. » Barberousse avait quitté la place en brandissant un bras menaçant. Sans prononcer un mot, l'officier s'éloigna chapeau bas devant la princesse. Toujours armée de ses pistolets, elle les reconduisit jusqu'à la porte du couvent, qu'elle fit barricader sous ses yeux. Puis, résolument, elle attendit. Un grand quart d'heure s'écoula. Enfin, chevaux et cavaliers s'éloignèrent dans la direction de Paris, et le fracas de leurs bruyantes chevauchées s'éteignit peu à peu dans la campagne. Sans aucun doute, malgré l'insistance de Barberousse, l'officier n'avait pas voulu prendre sur lui la responsabilité d'emporter le couvent d'assaut. La princesse retourna dans son oratoire. Le comte et Vif-Argent s'efforçaient de calmer les angoisses de la baronne que cette scène violente, jointe à celle dont elle avait déjà été témoin, avait très péniblement impressionnée. L'abbesse la rassura. Elle avait entendu l'ennemi battre en retraite. Il n'y avait donc plus rien à craindre. En la remerciant de sa courageuse attitude, Julien et Jean lui annoncèrent que, ne voulant plus désormais donner prétexte à aucune violence de ce genre, ils allaient quitter le couvent. « Je ne saurais en effet vous y garder plus longtemps, » dit la princesse, « sans grossir le scandale que va probablement causer cette affaire. Mais soyez tranquille, je garde ces dames auprès de moi et je vous réponds que, moi vivante, elles sont à l'abri de toute surprise. » Les deux jeunes gens prirent congé. En passant près d'André, Jean lui serra furtivement la main. « À bientôt, » dit-il à voix basse. Elle lui répondit par un signe de tête imperceptible, mais ses yeux étaient pleins de larmes quand elle le vit disparaître. Fort heureusement, sous l'impression du danger auquel on venait d'échapper, personne ne s'en aperçut. Quelques instants après, par une porte dérobée du jardin que la princesse leur avait fait ouvrir, nos deux amis sortaient du couvent. Ils hésitaient quelque temps sur la direction qu'ils allaient suivre. Retourneraient-ils à Neuville ou à Paris? Cela importait peu à Jean. mais Julien ne pouvait pas s'absenter indéfiniment sans avoir obtenu un congé. Il était forcé de rentrer à Paris, où se trouvait son régiment. « Eh bien, allons à Paris, » dit Vif-Argent. « Que risquons-nous d'ailleurs ?» Évidemment, Barberousse n'aura rien de plus pressé que de raconter à son maître l'accueil peu flatteur qu'il a reçu à Chelles. « Si donc il galope devant nous sur le chemin de Paris, il doit être déjà loin. Tenons-nous à distance afin de ne pas tomber dans la gueule du loup. C'est d'une tactique et d'une prudence élémentaire. » Le jeune cornette fut de cet avis et l'on se mit en route. Ils avaient dépassé Lagny et traversé la forêt de Bondy sans avoir même aperçu de loin la troupe qui les précédait. Ils se croyaient donc bien certains d'atteindre sans difficulté le but de leur voyage. Ils se trompaient. Après l'incroyable défaite que Barberousse avait essuyée sur la route d'Hermont, il était rentré tout d'une haleine à Paris et s'était présenté vers 10 heures du soir chez son maître. Il lui apprit à la fois l'échec qu'il avait subi la veille à Neuville et l'invraisemblable carnage dont ses hommes venaient d'être victimes il y avait 2 heures. Puis il donna les noms des 2 jeunes adversaires qui avaient réduit ses projets à néant et chargea surtout Jean Michaud, un véritable démon, prétendait-il, audacieux, madré, courageux même, qui paralysera tous nos efforts, tant que nous ne parviendrons pas à nous débarrasser de lui d'une manière quelconque. Quoique déjà fort malade, Dubois était d'une vivacité telle que les jurons et les blasphèmes qui lui étaient familiers coulèrent à flot de ses lèvres. « Et quel est ce Jean Michaud ? » demanda-t-il enfin, quand il eut épuisé ce torrent d'injures. « C'est le fils de l'ancien tailleur de la cour. Ah, je me souviens. N'a-t-il pas été page de Sa Majesté ? Précisément. » Et à l'heure qu'il est, que fait-il ? Pas grand-chose, il est commis aux finances, m'a-t-on dit. S'emparer de sa personne serait en ce moment la chose la plus simple du monde et ne soulèverait aucune protestation. Tu sais donc où le prendre ? Pas encore. Mais avec un ordre d'arrestation bien en règle et une 20aine de soldats pour l'exécuter, je me charge de vous l'amener pieds et poings liés. Tu les auras, fit Dubois avec colère. À ces mots, il prit une feuille de papier et écrivit. Ordre d'arrêter partout où il se rencontrera le sieur Jean Michaud. Il allait signer quand Barberousse, qui s'était permis de lire par-dessus son épaule, l'arrêta brusquement. « Votre éminence devrait ajouter, et les personnes qui l'accompagneront, » proposa-t-il avec un vilain sourire. « C'est juste, » dit Dubois avec un regard d'intelligence, « qui veut la fin, veut les moyens. » Et sur l'ordre d'arrestation, il ajouta la phrase que l'aventurier lui avait suggérée. Puis il data, signa, apposa le sceau de l'État et tendit le papier à Barberousse. « À présent, où trouverai-je les cavaliers dont j'ai besoin ?» demanda l'aventurier. Dubois fit appeler un des officiers qui était de service auprès de lui. « Vous ferez monter à cheval 20 hommes dont vous prendrez le commandement pour procéder à l'arrestation des personnes que monsieur vous désignera, » ordonna-t-il en montrant Barberousse. « Pour quelle heure ?» demanda l'officier en saluant militairement. « Pour 4 heures du matin, » répondit l'aventurier. « À quel endroit ?» À l'entrée du faubourg Saint-Denis. « Vous avez entendu ?» dit Dubois au capitaine. « Oui, votre éminence. Alors soyez exact. » L'officier sortira, bientôt suivi par Barberousse. À 4 heures du matin, très exactement, ils partaient tous les deux à la tête de leur escorte. À 5 heures, ils étaient à Hermont, et suivant à la piste le chemin que la chaise de poste de la baronne avait pris, ils arrivaient au couvent vers 6h30. Barberousse n'était pas absolument sûr que les renseignements qu'on lui avait fournis en route fussent très exacts. Mais en pénétrant dans la cour du couvent, le premier objet qui attira ses regards fut cette chaise de poste qu'il avait suivie la veille pendant près d'une demi-heure, dont il se rappelait la forme, la couleur, et qu'il reconnut sur le champ. Donc la baronne était là, donc Vif-Argent y devait être aussi. C'était par conséquent avec la certitude de réussir qu'il se présentait chez l'abbesse. Mais il avait compté sans la fière attitude de la princesse et la résistance armée qu'elle menaçait d'opposer à ses désirs. Quant au capitaine, il connaissait de longue main le triste sire qui lui servait de guide en cette circonstance. Il se demandait quelle louche besogne on lui préparait et n'obéissait qu'à contre-cœur aux ordres qu'il avait reçus. Sans doute la présence des dames de Coissy au couvent et les paroles de la princesse lui firent deviner une partie de la vérité, car en dépit des fureurs de Barberousse, il se refusa à faire militairement la perquisition que l'aventurier voulait exercer. « Vous aurez beau dire, monsieur, » protesta-t-il sèchement, « je ne puis oublier que l'abbesse est une princesse du sang, la propre fille de son Altesse le duc d'Orléans. Mon honneur de gentilhomme et de soldat m'interdise, sans un mandat formel du régent en personne, d'exercer aucune violence envers une femme de si haut rang, lorsqu'elle revendique surtout un droit dont je suis le premier à reconnaître l'authenticité. » Barberousse fut bien obligé de s'incliner devant une déclaration si catégorique. « C'est bien, » dit-il, blême de rage impuissante, « j'en référerai à son éminence. Et moi à mon colonel, » répliqua le capitaine. Ils s'éloignèrent dans la direction de Paris, mais Barberousse n'avait pas dit encore son dernier mot. Il sentait que la princesse l'avait trompé en lui disant que Vif-Argent et Julien avaient déjà quitté le couvent. Sans aucun doute, ils y étaient encore, mais ils n'y pouvaient pas rester longtemps. Où irait-il ? Vif-Argent était libre d'aller où bon lui semblait, mais le comte de Montbazin ne l'était pas. Son grade et son service l'appelaient nécessairement à Paris, sous peine d'encourir un châtiment toujours fort grave en pareil cas. Donc, il reviendrait à Paris, et certainement Jean ne l'abandonnerait pas. « Et qui sait ? » pensait Barberousse, avec une sorte d'intuition féline. « Peut-être galope-t-il à une petite lieue derrière nous, riant de notre déconvenue. » Il communiqua ses soupçons à l'officier. « Ah ! » dit le capitaine, « du moment que nous avons affaire à des hommes, c'est différent. Que voulez-vous faire ? » ?»« Peu de chose. Nous voici dans la forêt de Bondy. Restons-y en embuscade pendant 2 heures. Si ce temps écoulé, le drôle que j'ai ordre d'arrêter n'a pas paru, je vous rends votre liberté. » « Soit, » consentit le capitaine. Il divisa sa troupe en 2, fit cacher ses hommes dans le bois, 10 d'un côté, 10 de l'autre, et leur donna pour consigne de ne pas bouger avant d'en avoir reçu l'ordre. Lui-même se porta sur la droite du chemin et Barberousse sur la gauche. Depuis une demi-heure au plus, ils étaient en observation quand Barberousse s'écria « Attention, les voici !» 2 cavaliers venaient en effet de s'engager sur la route qui traversait la forêt. Ils s'avançaient sans défiance au trot de leurs chevaux, bien éloignés de soupçonner le piège dans lequel ils allaient tomber. Tout à coup, à 10 pas devant eux, surgirent le capitaine, Barberousse et les soldats qu'ils commandaient. « Au nom du roi, je vous arrête !» leur cria l'officier. Au lieu de se rendre, ainsi que s'y attendait le capitaine, Vif-Argent et Julien firent volte-face, piquèrent des 2 et prirent la fuite, comprenant bien que lutter contre cette armée, c'était courir à une mort certaine. « En avant !» commanda le capitaine, en s'élançant à leur poursuite. Nos 2 amis se virent perdus. « Si nous continuons à fuir, dit Jean au comte, ou bien l'on nous prendra, ou bien l'on nous canardera comme des lièvres. Jetons-nous dans le taillis. Laissons-y nos chevaux et enfonçons-nous au cœur de la forêt. Je défie bien, messieurs les soldats du roi, de nous y atteindre. Es-tu prêt ?»« Oui, » répondit Julien. « Alors obliquons à droite et sauf qui peut. » En disant ces mots, ils tournèrent brusquement, sautèrent le fossé et disparurent dans le taillis. Là, mettant vivement pied à terre, ils abandonnèrent leur monture et se jetèrent au plus épais de la forêt. Bravement, l'officier, ses hommes et surtout Barberousse se précipitèrent sur leurs traces. Ils les aperçurent à une distance de 50 pas au plus, se glissant à travers les arbres, mais en moins d'une minute, la moitié des soldats étaient désarçonnés ou contusionnés par les branches qui leur barraient le passage et l'autre moitié n'avançait qu'avec la plus extrême difficulté. Pendant cette minute, Jean et Julien avaient gagné 100 pas d'avance. « Feu !» hurla Barberousse, écumant de rage, en tirant successivement sur eux ses 2 coups de pistolet. Les soldats firent comme lui, mais au hasard, car les fuyards étaient presque hors de vue. D'ailleurs, à la distance où ils se trouvaient, cette décharge générale de pistolets d'arçon n'était pas bien dangereuse. « Halte ! » cria l'officier. « Tout le monde à pied !» Avec quelque promptitude que les soldats eussent obéi, c'était encore du temps perdu. Il fallut rassembler les chevaux, les attacher solidement aux arbres voisins, avant de se mettre en mouvement. Quand le capitaine et ses 20 soldats se ruèrent à pied dans la forêt, le comte et Vif-Argent avaient complètement disparu. On suivit la direction qu'ils avaient prise. En tête courait Barberousse, furieux, acharné, criant, jurant, donnant de la voix comme un chien de meute. Avant d'avoir fait 500 pas, les soldats s'étaient débandés, embarrassés de leurs sabres et de leur équipement, se heurtant aux branches, butant contre les racines, roulant au fond des fossés. Ils n'avançaient qu'avec une lenteur désolante, désespérant à l'avance de rattraper les fugitifs. Au bout d'une grande demi-heure, ils atteignirent une clairière au milieu de laquelle fumait un fourneau de charbon. À côté, 2 hommes, vêtus de haillons et plus noirs que le charbon lui-même, étaient paresseusement étendus et dormaient d'un paisible sommeil. Barberousse s'approcha d'eux, les secoua et parvint enfin à les réveiller. « Eh, vous autres !» leur dit-il. « N'avez-vous pas vu passer par ici 2 gentilshommes dont l'un porte un costume d'officier ?»« Faites excuse, monseigneur. Nous les avons aperçus au moment où nous allions faire notre somme, » patoisa le charbonnier. De quel côté se dirigeait-il ? Du côté de Villemomble, monseigneur, répondit le charbonnier. Et tenez, ajouta-t-il, les v'là qui scoulent là-bas au long de la jeune taille pour entrer dans la futaie. Barberousse jeta les yeux dans la direction que lui indiquaient les charbonniers et distingua en effet deux hommes qui se sauvaient à toutes jambes et dont l'un était revêtu d'un uniforme. Courage ! Cria-t-il au capitaine et à ses soldats. Nous les tenons ! Avec une ardeur nouvelle, ils s'élancèrent, tandis que les charbonniers, en les regardant s'éloigner, laissaient échapper un sourire qui découvrait des dents irréprochablement blanches. Plus enragé que jamais, depuis qu'il avait retrouvé la piste de ceux qu'il cherchait, Barberousse se remit à leur poursuite. Les soldats eux-mêmes, afin d'en terminer au plus vite, se précipitèrent sur ses pas avec une ardeur d'autant plus vive qu'ils gagnaient visiblement du terrain sur les deux hommes qu'on leur avait désignés. Ceux-ci continuaient bien à fuir, mais non plus avec la même rapidité que tout à l'heure. Évidemment, ils étaient à bout d'haleine et dans quelques minutes, ils seraient obligés de se rendre. Ce fut ce qui arrivait au bout d'une autre demi-heure. Mais à la grande stupéfaction de Barberousse et du capitaine, ce ne fut pas sur Vif-Argent et sur le comte de Montbazin qu'ils mirent la main. Ce fut sur de misérables charbonniers, aux traits grossiers, à la barbe inculte, ridiculement affublés des vêtements de Jean et de Julien. Devinant qu'ils venaient d'être joués une fois de plus, l'aventurier les interrogea brutalement. Ils racontèrent que deux gentilshommes les avaient abordés pendant qu'ils cuisaient leur charbon et leur avaient proposé 50 louis pour changer d'habit avec eux. Les pauvres diables pouvaient-ils refuser cette fortune qui leur tombait du ciel ? Ils acceptèrent. À ce marché, le plus jeune des deux gentilshommes ne mit qu'une condition, c'est qu'ils s'en iraient sans trop se presser dans la direction de Villemomble et que, s'ils étaient poursuivis, ils ne se laisseraient pas rattraper avant une bonne demi-heure, les assurant d'ailleurs qu'il ne leur serait fait aucun mal. Les charbonniers avaient donc simplement rempli les conditions du marché qu'on leur avait imposées. Ils montrèrent les 50 louis qu'ils avaient empochés, les costumes dont ils étaient revêtus. Mais alors les deux hommes à qui nous avons parlé, que nous avons trouvés près de votre fourneau, qui nous ont indiqué la direction que vous aviez prise, quels sont-ils ? Demanda Barberousse, qui tremblait d'avoir deviné la vérité. Probablement les deux gentilshommes à qui nous avons cédé nos habits, répondirent les pauvres gens. Barberousse voulait les arrêter ou tout au moins les bâtonner pour les punir de leur complaisance. À quoi bon ? Objecta le capitaine. Les innocents doivent-ils pâtir pour les coupables ? Au lieu de perdre notre temps à exercer d'injustes représailles, revenons plutôt sur nos pas et tâchons de réparer notre bévue, si le comte et Jean-Michaud ont été assez sots pour nous attendre. Alors, poussant devant lui les pauvres diables que la frayeur avait paralysés, « Allons, dit-il, revenons à votre fourneau, et pas de nouvelles fourberies ou je vous casse la tête. » Les charbonniers s'exécutèrent, heureux d'en être quitte à si bon marché. Barberousse écumait de rage. Cette fois, il ne précédait plus les soldats, il les suivait, l'oreille basse, bien convaincu déjà que cette nouvelle battue n'aboutirait à aucun résultat. Quand ils atteignirent en effet la clairière que leur signalait de loin la fumée bleuâtre du fourneau, Vif-Argent et le comte avaient disparu.